pluie de palais palais, à tous les fantômes perdus. Sur de vie ou Rimbaud Satie, j'en me joins à eux dans les rues. Combien de sang sur les pavés, que la pluie a délavé. Sous la pluie de palais palais, bien des amants s'en sont unis. Sur le bitume et le tambourine, les gouttes qui vous chagrinent. Ces perles d'eau cristallines, ma belle et me fascine. J'ai besoin de sortir dehors, la toucher une fois encore. Leur arrivée me tranquillise, leur présence m'énergise. Sur le bitume, moi j'y déambule volontiers. J'y marche longtemps à pied. Les boulevards de Paris dissipent alors tous mes soucis. Les trottoirs mouillés reflètent la tourmente des poètes. Sur les pavés, que la pluie a délavé. Sous la pluie de Paris, Paris, bien des amants s'en sont unis. Le ciel devient menaçant, vous pressez le pas en rentrant. Moi je quitte mon domicile, je vais par les rues de la ville. La pluie apaise mon âme, comme le ferait une femme. J'ai besoin de cette tristesse, qui perdure et jamais ne cesse.